Salam, je vous souhaite le bonsoir, mon noble ami. Approchez, approchez, venez plus près. Faites-vous quelque chose de sale. Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza? J'y ai vraiment trop cru. Voici venu l'heure du Memento. Good morning, Vietnam! Bonsoir à tous, bonsoir Arthur, comment vas-tu? Bien, bonsoir, je vais très bien, merci beaucoup. Ah bah écoute, on se retrouve comme deux fois par mois dans... Oui, une fois par mois. Une fois toutes les deux semaines, c'est ça qui m'a embrouillé. Pour une petite heure qu'on va passer ensemble. Une petite heure raccourcie déjà de 10 minutes. Hein. On a commencé un petit peu plus tard que petit d'habitude peu, aujourd'hui. Petit peu. Pour une fois, c'est pas grave. Le thème de cette fois-ci, en fait, c'est inspiré directement de ce qu'on a vécu la semaine passée. Parce qu'on n'était pas du tout prêt, je sais pas toi, mais on n'était pas du tout prêt pour le petit coup de chaud qu'on a eu la semaine dernière. On s'était habitué à l'hiver, on s'était habitué à la froideur, aux grosses doudounes, aux grosses chaussures. Et puis là, d'un coup, pouf, gros coup de soleil, c'est parti dans un jardin sur les terrasses. Des jolis coups de soleil, de ce genre de choses. Hein, on n'était pas prêt du tout, et donc on va vous offrir ces 50 minutes qui vont sentir bon le vestiaire de foot, comme ça, les petites aisselles de Marcel Jauny avec une petite surcouche de déo pour faire un petit effet, genre en fait on sent bon, mais c'est juste un petit leurre olfactif. Alors heureusement pour vous, chers auditeurs Radio Panique, c'est juste de la radio, donc c'est uniquement dans vos oreilles le Memento de ce soir. Memento Transpi, c'est tout de suite sur Radio Panique. Bienvenue en tout cas. À vous. C'était donc Assassin, on l'aura peut-être reconnu, la conscience de l'homme change. Et c'est un choix que toi t'as fait, Arthur, je pense. Oui, tout à fait. Pardon, voilà, je suis là. On a choisi ce petit truc tout simplement pour sa lourdeur, sa chaleur, cet effort, voilà, cette chaleur de l'effort. On va dire ça comme ça. Petite dose de testostérone qui sent bon, ce petit memento spécial. Transpi, on va pas le dire toutes les 5 minutes, mais ça va finir un peu plus. Merci pour ce petit jeu de mots, fort appréciable. Le titre d'après, on va rester dans le rap, mais un rap peut-être un petit peu moins vénère, je pense. Un petit peu plus spécial. C'est un petit truc, t'as craqué sur Bandcamp, t'as acheté un de leurs albums, je pense. Voilà. Un groupe que je ne connaissais pas, mais qui est loin d'ici. Voilà, dans la conduite, on a écrit « Sué au Québec ». Parce que c'est tout simplement « Klee and Friends » que j'ai déjà eu le plaisir de vous passer par-ci, par-là. Un groupe donc québécois, vous l'aurez compris, qui fait plein de choses en même temps. Un truc un peu... Pour moi, c'est un peu un groupe de jam. Voilà. C'est des gens qui se retrouvent et qui font de la musique ensemble et ça donne quelque chose d'assez organique, d'assez... et surtout de très très chouette et qui mélange plein de choses entre le funk, le rap, le rock. Et c'est toujours assez chaud, assez... je ne sais pas comment dire autrement que organique et bien vivant et bien groovy aussi. Sweat and Smokes, toujours dans la chaleur. La musique populaire de Verdun. Hola, Lénine de la cité. It tastes like sweat and smokes. We fucked until the backbone. Every time I call, you break like wood and bone. Said it tastes like, but we fucked until another baby. And every time I go, big light. Elle avait le nez percé comme le rocher à Gaspé. Je m'approchais doucement, elle me tendit le tarpé. Elle m'a choqué comme le mic, comme mélange de Lucky Strike. Et le vent me chuchota qu'elle avait besoin de light. Ses hanches déménageaient comme le 1er juillet. C'est l'état de providence, on a vidé le sachet. Le soleil me réveilla. Fantôme à la fenêtre, des jeunes et marocains, café joint mon appareil. J'ai appris dans ma life les caprices de l'imprévu. Me voilà dans des beaux draps, ta jeune dame a disparu. Sans jamais dire mon nom, lui demander le sien. J'ai compris tout à coup que le monde ne sert à rien. Days like spinning smokes. We fucked until the bed blows. Every time I call, break like wooden bones. Like, I don't know who to believe. No bougie on my grave. Will you pass the G or not? That ghost boy won't make someone to leave. No ties to suit me. Just don't play for keeps. It tastes like spent and smoke. We fucked until the bed blows. Every time I close, break like building bones. It tastes like sweat and smoke. We fucked until the bed blows. Every time I close, break like building bones. It tastes like. Cidade, você me deixa, tenho saudade. Vous écoutez présentement la musique populaire de Verdun. Stay tuned. Dans une tenue. Polaire, ben on le comprend le titre en ayant écouté ce morceau de Joseph Chédid. Pourquoi ce titre dans le thème de l'émission de ce jour? Ben c'est juste pour le petit coup de chaud qu'il a eu au milieu de la chanson, ou peut-être même aux deux tiers, non, au premier tiers je pense plutôt, où il était, pardon j'avais coupé ton micro Arthur, c'est pas grave. Où il était tout lancinant, parce que c'était la même chanson, hein, la petite voix toute douce avec ce petit truc de guitare énervée, c'était le même titre de Joseph Chédid, qui est le petit frère de Mathieu Chédid, un des quatre de la fratrie, puisqu'il y a donc Mathieu Chédid, il y a la sœur Nash, et puis Joseph, et encore une autre sœur, je me demande si c'est pas la toute grande sœur, elle, qui est vidéaste, réalisatrice. Puis il y a le papa aussi, enfin, au final c'est une bonne petite famille. Hein. Oui, la grand-mère qui était poète, qui était poétesse. Et là tu me lances une perche pour le prochain titre, parce que c'est plus ou moins un truc de musique, de poème, un fake, truc toi. Un peu... Bah non, autant ouais, surpris ouais, que moi. Ouais, ouais, très ouais, très vas-y, bien. Vas-y. Explique-nous le titre que tu as choisi, qui s'appelle New York, New York. The Last Poets. Eh bien, c'est un groupe des années... Oh. 80, 70, je sais plus, qui fait en gros de l'espèce de spoken word, donc ce qui doit être à peu près quelque chose autour du slam, du rap, qui raconte donc là, en l'occurrence, des choses et la violence de ce qui se passe à New York à l'époque. Et voilà, quelque chose de très lancinant qui monte, voilà, un peu méditatif. Eh ben on se l'écoute et on en discute encore juste un peu après, parce qu'on a encore des petits trucs à vous dire là-dessus. New York, New York, the big apple. New York, New York, the big apple. New York, New York, the big 16 million feet. Nationals, Tom McCann's, floor shine, stepping on each other, rejoicing over the death of one nigger toe. Cold, callous feet trotting up and down synthetic avenues, streets and gardens. Gardens that grow shit. Gardens where putty-faced beings sit emotionlessly admiring bastard flowers. New York, New York. A prerequisite to America, a disguised sin, where some brother from that closed southern shit comes to some open northern shit for a vacation. For an opportunity. An opportunity that knocks up sisters and knocks them in the head. For an opportunity that takes him home with dope in the arm and Clairol on the brain. New York, New York. Right to the core. New York, New York. New sameness, new food, same shit. New car, same gas without platformate. New love, same neurosis. New installation, same hoes. New hairdos, same minds. New style, same influence. New York, New York, the Big Apple. Where jive madam farmers are running around, shaking hands with all the grassroot people, never getting choked by the grass. New York, New York. Where Queen Liberty, tin shit, is standing in the middle of pea green water, telling her brother he's liberated. Yeah, he is liberated from the old Mississippi to the new Mississippi. New York, New York, the big apple. Where freak-looking filthy white rodents are running around, spreading new kinds of venereal diseases, talking about we love everybody. We love everybody. New York, New York. Watching movies marked adults only when it should be for kids only. The A train, the D train, the F train, that underground undercurrent steel-plated frame, unworkable air vents, ass-aching benches, and then there's that corny paraphernalia all over the interior. Inside of this, there's a brother being soaked in by that shit on the wall, suffocating from bad breath in the air, in pain 'cause some white jackass is riding on his foot. New York, New York, the Big Apple. New York, New York. While on the train, you see young and old, white wrinkly faces peeking over crooked shoulders and on the car. Okay. The Last Poets. Voilà, vous entendez donc ce mélange de simplement de percussions et de voix pour raconter tous les problèmes des Noirs à l'époque. Je disais 70-80, c'était pas tout à fait faux. Le groupe a été fondé en 68, le jour de l'anniversaire de Malcolm X. Et bien, il a sorti la majorité de ses albums entre 70 et 88. Mais ils ont continué à sortir des albums après, à savoir jusqu'en 2018. Donc a priori, ils sont toujours en cours. Voilà, n'hésitez pas à aller voir ce qu'ils font. Moi, j'ai eu le plaisir de découvrir ce truc-là grâce à l'émission Vinyle. qui est une émission française, qui a été un moment sur France O, mais qui est aussi sur Internet. Le processus de production a l'air un petit peu compliqué, mais quoi qu'il en soit, c'est donc un super présentateur dont je me souviens pas du prénom et qui invite des stars, des personnalités de la musique ou du monde de la culture en général, voire politique, et qui retrace un peu leur parcours d'éducation musicale, comment ils ont découvert certaines choses en musique et comment la musique a pu arriver jusqu'à eux et avoir une influence sur leur travail et comment ils ont pu avoir une influence sur la musique. Tout ça est différent en fonction de l'invité, puisqu'une fois c'est Thomas VDB, donc ancien journaliste musical et aujourd'hui humoriste. Ça a pu être Mathieu Kassovitz, très chouette acteur et réalisateur, Benoît Hamon aussi en politique. Voilà, c'est très large. Récemment ils ont fait Clara Luciani aussi, et voilà, c'est toujours très très intéressant. Et en fait l'émission se passe, c'est quand même ça le plus important du concept dont je n'en ai pas parlé. Qu'est-ce que c'est beau. Oui, ça se passe à la médiathèque de Paris, grande médiathèque. Oui, voilà, en fait c'est chez Radio France, je pense. C'est en fait tout simplement la collection publique de musique. Ils ont des centaines de milliers de vinyles, je pense. Donc l'endroit est tout à fait magique. C'est vraiment magnifique. Il y a des vinyles dans tous les sens, des rangements un peu industriels comme ça. Et ils se posent comme ça dans un coin avec une platine et deux fauteuils. Ils discutent. C'est bien filmé, c'est bien éclairé, c'est bien écrit. C'est vraiment bien foutu. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir ça, vinyle. Ils viennent d'en sortir plein sur YouTube, donc il y a du temps à passer pour découvrir plein de chouettes choses. Et d'ailleurs, tout au long de cette émission, il y a plein de choses que j'ai sans honte piquées à cette émission pour les partager avec vous, ce qu'on vient d'écouter. New York, New York, The Last Poets. Après avoir eu chaud dans la rue, on peut peut-être avoir chaud en studio d'enregistrement. Oui, dans un pays où il fait chaud aussi. Là, on est en mode Marcel et on est en mode grosse, grosse chaleur. En plus, ils sont en train de travailler. Vous allez comprendre pourquoi. Dans un studio, donc on sent que voilà, il y a du travail, il y a de la chaleur. C'est la Jamaïque. Et tu voulais choisir, tu t'hésitais entre deux titres studio de reggae qu'on voulait mettre dedans pour illustrer ce côté fort, puissant, aussi tout aussi lancinant et méditatif presque. Et puis au final, t'es tombé un peu par hasard sur un petit documentaire, mini documentaire reportage sur une journée de construction de cette musique avec Lee Scratch Perry, hein, c'est ça ? C'est ça, et qui est un des grands producteurs de reggae, qui a notamment produit Bob Marley à une époque, qui a fait plein de choses. Aujourd'hui, il est un peu vieux, il est un peu fou, il est un peu bizarre, mais il a de très très très grands titres et grands albums du reggae derrière lui. Et voilà, il a fait beaucoup de dub, il a beaucoup travaillé là-dessus. Et d'ailleurs, les gens de l'émission d'après, c'est-à-dire Réservoir Dub, pourraient vous en dire beaucoup plus là-dessus. Mais voilà, en tout cas, c'est vraiment un grand, grand nom du reggae. Et là, on le voit dans les années, encore une fois, grande précision, je dirais dans les années 70, en studio, avec The Upsetters, aussi avec les Heptones, enfin plein de groupes. Et voilà, là, c'est donc un petit reportage de 4 minutes. Que j'ai découvert il y a très longtemps en fait, et que je n'avais jamais pensé à diffuser en radio parce qu'il est tout à fait génial. C'est un reportage jamaïcain, puisque la voix du reportage a un très chouette accent jamaïcain. Écoutez, c'est très sympa, on entend vraiment la construction piste par piste, l'explication et puis toujours les belles voix comme ça qui nous emmènent très très loin. Ça se passe donc au studio Black Ark, on est en Jamaïque avec notre ami Lee Scratch Perry. Junior Mervyn, Upsetters and the Heptones all rehearse here. Scratch's real name is Lee Perry. He regards all the greats, including Bob Marley. Even Paul McCartney is coming here from England, because Scratch has a sound and a rhythm of his own. He calls it rockers. When Scratch begins a session, first he balances drum and bass for the basic rhythm. Ghetto music, always drum and bass. Then Stretch will balance all the other instruments till he's ready to start recording. When the balance is right, the upsetters lay down the rhythm track. That's how reggae is recorded. Let's go. One, two, three, four. Though there seems to be no kind of order or discipline, Scratch knows exactly what he wants, and the musicians respect that. One, two, three, four. The people's standards, the instruments may sound distorted, the balance way off. But it's just these rough edges that give reggae the kind of raw sound they can never copy abroad. When Scratch is happy with the rhythm, he'll get Junior Mervin and the Heptones to put the vocals on. Rhythm and then lyrics. That's how Scratch describes reggae. Rhythm from the ghetto, lyrics from the streets. Yes, Rasta. Play on, Mr. Music. Play on. Won't you? Play on, Mr. Music. Play on. There's the chalice is burning, the jammers are rolling. Getting ready for the show. Whoa, play on, Mr. Music. Play on. Won't you play on, Mr. Music? C'est chouette. Bon, je vous avoue qu'on a un peu triché, c'est qu'on avait le petit support vidéo en plus, donc on a profité doublement de ce petit documentaire radio, on va dire ça comme ça, immersion dans une journée d'enregistrement. C'était très sympa, très intéressant, avec Lee Scratch Perry à la manœuvre derrière les consoles d'enregistrement. Puis c'était les Heptones, je pense, ouais. Play On, Mr. Music, le titre qu'ils ont joué, qu'on a entendu. C'était très marrant, très intéressant, le côté rythmique d'abord. Et une fois qu'il est content, on passe... On met les guitares et puis les voix avec les super harmonies. À la limite, moi, dans ce morceau, je pourrais juste écouter les voix toutes seules. Je crois qu'il y a une puissance impressionnante qui vient évidemment du gospel, de la musique noire. Et il y a un côté très très cool. Désolé, je t'ai coupé dans ton élan parce que je sentais la perche. Vas-y. Mais il y a un côté très très plaisant quand on entend juste la voix, le piste par piste de certaines chansons, te faire redécouvrir certaines chansons. On a eu l'occasion d'en écouter certaines, il y a déjà quelques émissions, mm-hmm. il y a plusieurs années, de Bob Marley ou de Queen, ouais. où on l'entend limite, la respiration de Bob Marley ou la respiration de Freddie Mercury, même le casque à fond de balle de l'artiste. Et on a l'impression vraiment de redécouvrir la musique, de vivre et d'être dans le studio avec les artistes. Et ça humanise les chansons. Bah, un truc de fou, parce que là, on voit le chœur, on voit le chanteur dans ce studio en train de chanter le moment où ils ont enregistré le titre que plein de gens écoutent après voilà. Chez eux. Si vous voulez voir cette vidéo, donc c'est tapez Lee Scratch Perry Studio et vous trouverez ça tout de suite. On parlait de musique noire, évidemment, parce que c'est la musique rasta, qui vient elle-même, comme toutes les musiques noires, à la base du blues et d'Afrique. On va rester au stade du blues pour pas aller trop vite, avec une version hyper intéressante des années 40, donc c'est quand même déjà, il y a un petit temps, de The House of the Rising Sun. Vous connaissez sûrement la version par Muse, vous connaissez la version par Johnny Hallyday, hein, Les Portes du Pénitencier. Vous connaissez la version par, je crois, c'est pas The Zombies ou un truc comme ça ou, Je ne sais plus, je sais que c'était dans la BO de Son of Anarchy aussi. Voilà, tout le monde a repris cette chanson et en fait, j'ai découvert, encore une fois grâce à Vinyl, le fait que cette musique-là vient du mélange, d'un mélange irlandais et d'un mélange de musique noire, puisque à une époque, dans les champs de coton, sont venus aider ce qui était avant les esclaves, après simplement les travailleurs extrêmement mal payés, et bien ce sont les Irlandais qui sont venus travailler dans les champs. Apparemment, ils étaient encore moins bien payés. Et il se fait que cette rencontre entre les Irlandais et les Afro-Américains, eh bien, a donné ce genre de musique, puisque en fait, il y avait un mélange à la fois de classiques européens, anglais, irlandais, et qui ont été repris à la sauce du blues, évidemment, parce qu'à l'époque, c'était évidemment dans cet ensemble-là que ça allait. Et voilà, les historiens se battent un peu pour savoir exactement d'où vient, quelle est l'origine de The House of the Rising Sun. Apparemment, ça pourrait parler notamment d'un bar à la Nouvelle-Orléans, d'une prison, voilà, ça peut parler de plein de choses, mais effectivement, manifestement, il y a des racines de cette chanson en Europe. Et une très chouette version, c'est, là on est dans les années 40, on est dans du blues le plus pur, avec Lead Belly, The House of the Rising Sun. Ça va prendre un petit temps pour que vous reconnaissiez, mais après c'est assez évident. There is a house in New Orleans, they call the Rising Sun. And there's the run of a many poor boy and me a God for one. I'm going and tell my baby sister, please don't do like I have done. Please shun the house in New Orleans, they call a rising sun. If I had a listen at what my mama said, I would not been here today. Still it be so young, so foolish and so wise, I let a ramblor lead me astray. I'm going back to New Orleans, my race is almost run. I'm going back to spend the rest of my life beneath the rising sun. Voilà qui conclut une chanson. On l'a pas vu venir, hein, cette fin de musique, mais c'était un petit retour en arrière, petite racine de la musique, racine du blues, avec Lead Belly, House of the Rising Sun. C'est bien d'entendre une version un petit peu plus ancienne, parce qu'elle est reprise un peu à toutes les sauces, on l'entend souvent, ça parmi les grands classiques repris et re-repris. C'est intéressant d'avoir une reprise plus proche de l'original. Ouais. C'est très chouette. On va rester dans le soleil un peu sud-américain, même si l'artiste suivant est canadien. Canadien, exactement. Mais il y a le petit son de guitare qui fait penser un peu au sud de l'Amérique. On sent que Lead Belly a eu des descendants, quelque part. On sent qu'il y a une petite influence là derrière. C'est Mac DeMarco. Un artiste complètement fou. Moi, j'ai jamais eu la chance de le voir en concert. Je sais pas pour toi, Arthur. Je sais qu'on a un ami en commun, par contre, qui l'a déjà vu et qui est un grand, grand fan. Mm-hmm. Kevin, s'il nous écoute, il se reconnaîtra. Mac DeMarco, ici, que l'on va retrouver dans un titre qui est son dernier single, tout simplement, s'appelle All of Your Yesterday. Et ce qui est assez fou, c'est que le titre a l'air relativement gentil comme ça, mais qu'apparemment sur scène c'est un type complètement taré, complètement déjanté, qui fait des blagues, qui apparemment commençait avec une guitare qu'il a achetée $30 et lui-même était fier de dire qu'aucun musicien sérieux n'aurait joué avec cette guitare sur scène. Donc c'est ce genre de personnage qui donne une petite double couche, une double lecture au titre. Apparemment, quand on l'écoute une première fois, ne semble pas si déjanté que ça. Déjanté, oui. Faudrait peut-être se pencher sur les paroles pour voir s'il y a un petit côté déjanté. Mais on va vous laisser profiter. All of your yesterday, c'est Mac DeMarco. Dream is Mac DeMarco avec ce titre All of Your Yesterday, très cool. Là, on a voyagé un peu dans la continuité avec ces chants de coton. On se retrouvait dans une autre sorte de chant, je trouvais, mais c'était un petit voyage avec cet artiste, Mac DeMarco, canadien. On va enchaîner notre memento spécial Transpi avec une autre catégorie de transpiration, un petit peu plus charnelle, on va dire. Oui. Encore une fois, dans la conduite, on a écrit « Nuit chaude ah. ». Pourquoi je fais ça? Je sais pas non plus. C'était cadeau. Oui, fatalement les nuits d'amour qui peuvent faire des moments très poétiques. Ah, attention. Par contre, le titre peut être très sale du coup, vu le contexte qu'on est en train d'installer. Parce que l'artiste, c'est Bill Withers jusque-là. Ça pourrait être. Il y a ce côté un peu classe, blues, soul, funky, très digne. Hein, ouais, tout à fait. Tant le titre avec ce qu'on est en train de dire, I'm her daddy, sonne tout de suite beaucoup plus sale, mais c'est pas le but et c'est sans doute pas l'objectif de cette chanson. Si, oui, je crois. En tout cas, c'est ce qu'il évoquait pour nous. On va l'enchaîner avec un autre titre qui se prête bien, je trouvais, à la suite. Au réveil en douceur, plus romantique peut-être. Au réveil qui pourrait suivre, mais on commence tout de suite avec Bill Withers, I'm her daddy, tout de suite dans ce memento spécial, spécial Transpi. How do you do, Lucy? You sure been hard to find. I heard you had a daughter, 6 years old, and I just can't keep from crying. 6 years of Lucy. She grown. Does she sleep well? to make me change my mind. Tracy Chapman, qu'on va laisser un petit peu quand même en fond. Give me one reason pour illustrer ce moment réveil après une nuit fort agréable. Ce qui va nous permettre, mon cher Arthur, de rectifier le tir, justement. De vous présenter toutes nos excuses les plus plates et aplaties. dans le sens où la chanson que vous avez entendue, I'm Her Daddy, c'est au tout premier degré, c'est-à-dire qu'il parle à ce qui doit être la mère de sa fille, son ex, et qui demande si sa fille va bien. Si sa fille va bien, si elle a une photo de son papa avec lui, qu'elle la présente au babysitter en disant c'est mon papa ça. Bref, il prend des nouvelles de sa fille et il n'est pas du tout en train d'avoir une nuit très agréable. Donc, on était tout à fait à côté de la plaque et on s'était mal renseigné. Toutes nos excuses. Comme quoi, parfois, entre ce qu'on s'imagine. Avec le feeling de la musique. Avec le feeling de la musique, cette voix un petit peu grave, un petit peu. En plus, il y avait le côté un petit peu énervé qui m'a assez surpris d'ailleurs quand je l'écoutais la première fois avec une petite disto sur une guitare comme ça qui traîne, c'est assez surprenant. Comme quoi, entre ce que la musique raconte et ce que les paroles racontent, parfois il y a un monde de différence. Mais bref, c'est pas grave, c'était au final de la bonne musique et c'est tout ce qu'on doit retenir de cet enchaînement de bonnes chansons. Et on va continuer, tout doucement penser à conclure, parce qu'il reste déjà très peu de temps, c'est passé à une vitesse. Aujourd'hui. Toujours, surtout quand on est en retard. Tout à fait. Oui, donc du coup, pour conclure, fatalement, autre moment un peu chaud, un peu compliqué, la partie de poker. Ce moment où on réfléchit très très fort, où les enjeux sont énormes, et où on sue à grosses gouttes, on peut le dire. Pour illustrer ça, Gaz Kumbis, Walk the Walk, est un super clip de partie de poker. ça c'était un petit bonus. Boy Azuga, Loner Boogie, le côté suant de leur salle de répète sans doute, ou de leur studio d'enregistrement, pareil, un petit peu de brutalité avec ce son de guitare bien gras, et puis cette voix surtraitée aussi que t'as bien aimé. Pas mal de disto, pas mal d'effets, un petit peu partout, c'était bien bien cool. Et ça conclut tout doucement notre petit memento spécial transpi. On l'a commencé dans la transpiration, c'était un petit peu le fil conducteur. Un peu facile, hein. C'est aussi un gros prétexte aussi pour pouvoir vous passer les petites découvertes et des petites chansons du moment pour Arthur et pour moi. Mais c'est toujours gai d'essayer de soit essayer de justifier un titre qu'on diffuse en le raccrochant au thème, ou l'inverse, hein, une chanson qui nous fait penser à un thème et qui provoque une émission de Memento. Donc voilà, petit truc et astuce, les petites coulisses du Memento qu'on dévoile comme ça en fin d'émission. On craque, ça y est. Et ça nous amène à la conclusion. Oh, dis donc. Se remettre de toute cette suance, et j'écris. Pas mal. On prépare nos émissions, attention. Hein. Oui, eh bien, se remettre de toute cette chaleur, de toute cette activation, de toute cette exclamation, je ne trouve plus mes mots. Sécrétion. Et pour se remettre de ça, eh bien, quoi d'autre qu'une musique de film qui a l'air de finir dans la chaleur, elle aussi, par un certain François de Roubaix, originaire de Paris, vous l'aurez deviné, Neuilly pour être précis, grand compositeur de films, de musique de film, qui est mort assez jeune dans un accident de plongée. C'est une info intéressante, qui est né en 39 et il est mort dans les années 70, à 35 ans, quelque chose comme ça. Et il a notamment fait la BO du Vieux Fusil de Robert Enrico, avec notamment la fille qui a joué Sissi, donc Romy Schneider, qui joue une histoire de résistant et des choses comme ça. C'est pas mal foutu. Et il y a un morceau qu'il a fait qui s'appelle Clara 1939, dont l'intro me paraît pour moi être une conclusion parfaite de ce memento, tout en sueur, tout en chaleur et tout en musique, bien évidemment. Voilà, c'est donc le moment de se quitter. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve le mois prochain. Et d'ici là, tous les podcasts, tous les mementos, la quarantaine d'épisodes du Memento depuis 4 ans devraient être disponibles sur quelques applis de podcast, pas toutes, mais quelques-unes, pour pouvoir découvrir et voir un peu l'évolution de cette émission qui a quand même qui s'est pas mal transformée au fur et à mesure des années. Et voilà, c'est la conclusion de ce Memento. Encore merci, passez une bonne soirée juste après ces réservoirs dub. N'hésitez pas à écouter ce bon gros reggae, bon gros dub. Faites-vous plaisir, écoutez de la musique, découvrez des choses, et puis voilà, passez une bonne soirée. Merci beaucoup. Merci à toi, Arthur. Bonne soirée.